Chapitre 8e. Lorsque Louis Richard se présenta chez le commandant de la Mirandière, celui-ci, enveloppé d'une magnifique robe de chambre, assis devant son bureau, fumait son cigare tout en classant dans un portefeuille une grande quantité de billets et des lettres de change. Son domestique entra et lui annonça « Monsieur Richard ». Monsieur de la Mirandière se leva vivement et dit « Priez Monsieur Richard d'attendre un moment dans mon salon. Quand je sonnerai, vous l'introduirez ». Le domestique sortit. M. de la Mirandière ouvrit un des tiroirs de son bureau formant caisse de sûreté, y prit 25 billets de 1000 francs qu'il mit à côté d'une de ses feuilles de papier timbré destinées à faire des actes, puis il sonna. Louis Richard entra, l'air sombre, embarrassé. Son cœur battait violemment, en songeant qu'il se trouvait peut-être devant un rival heureux, car le pauvre garçon, comme tous les amoureux sincères et candides, s'exagérait les avantages de celui qu'il se croyait préféré. Aussi, monsieur de la Mirandière, drapé dans sa robe de chambre de Damas et occupant un appartement assez élégant, semblait à Louis un concurrent fort redoutable auprès de Mariette. « C'est à monsieur Louis Richard que j'ai l'honneur de parler, » dit monsieur de la Mirandière avec le plus aimable sourire. « Oui, monsieur. Fils unique de monsieur Richard, écrivain public. » Ces derniers mots furent prononcés d'un air à demi sardonique. Louis s'en aperçut et répondit d'un ton sec « Oui, monsieur, mon père est écrivain public. »« Excusez-moi, mon cher monsieur, de vous avoir dérangé, mais j'avais à vous parler en particulier. Cette conférence me paraissait fort difficile chez vous. Voilà pourquoi je vous ai prié de vous donner la peine de passer chez moi. Maintenant, monsieur, puis-je savoir ce que vous me voulez ?»« Vous offrez mes services, mon cher monsieur Richard, » dit monsieur de la Mirandière d'un ton insinuant. « Car je serais très heureux de pouvoir vous appeler mon cher client. »« Votre client, moi. Mais qui êtes-vous donc, monsieur ?»« Ancien militaire, chef d'escadron en retraite, 20 campagnes, 10 blessures, et homme d'affaires pour passer mon temps. »« J'ai de gros capitalistes dans ma manche, et je suis en maintes circonstances leur intermédiaire auprès de jeunes gens de famille. »« Je ne vois pas, monsieur, quel service vous pouvez me rendre. »« Quel service ?» « Mon jeune ami, permettez, un ancien, un troupier, de vous donner ce nom. Quel service ? Vous me demandez cela, et vous êtes clerc de notaire. Vous végétez, vous partagez une misérable mansarde avec votre père, et vous êtes vêtu, Dieu sait comme. Monsieur ! » s'écria Louis en devenant pourpre d'indignation. « Permettez, mon jeune ami, ce sont des faits que je précise avec chagrin. Je dirais presque avec indignation, morbleu, un jeune homme comme vous devrait dépenser 25 à 30 000 francs par an, avoir des chevaux, des maîtresses et passer la vie douce et joyeuse. Monsieur, » s'écria Louis en se contenant avec peine, « est-ce une plaisanterie? Je ne suis pas d'humeur à l'endurer, je vous en préviens. » « Je suis ancien militaire et j'ai fait mes preuves, mon jeune ami, » dit monsieur de la Mirandière d'un air matamor. « C'est vous dire que je puis laisser passer certaines vivacités, que j'excuse d'ailleurs. » Car je l'avoue, ce que je vous dis doit vous sembler fort extraordinaire. Fort extraordinaire, monsieur. Voici du moins, mon jeune ami, qui vous convaincra que je parle sérieusement, ajouta notre homme en étalant des billets de 1 000 francs sur son bureau. Voici 25 000 francs que je serais enchanté de mettre à votre disposition pour vous établir en jeune homme de bonne famille, et de plus, tous les mois je tiendrai à votre service 2 500 francs. Je vous offre ces avances pendant 5 ans, nous compterons ensuite. » Louis regardait M. de la Mirandière d'un air abasourdi, croyant à peine ce qu'il entendait. Enfin, sortant de sa stupeur, il dit « C'est à moi, monsieur, que vous faites cette offre. Oui, et je suis fort heureux de vous la faire. À moi, Louis Richard. À vous, Louis Richard. Beaucoup de personnes se nomment Richard, monsieur. Vous me prenez pour un autre. « Non pas, diable, je connais mon monde, je vous prends pour ce que vous êtes. Monsieur Louis-Désiré Richard, fils unique et majeur de Monsieur Alexandre Timoléon Bénédicte Pamphile Richard, âgé de 67 ans, né à Bricontrebert et présentement domicilié rue de Grenelle Saint-Honoré, numéro 23, profession d'écrivain public. » Vous voyez qu'il n'y a pas erreur, mon jeune ami. Alors, monsieur, puisque vous connaissez si bien ma famille, vous devez savoir que ma pauvreté m'empêche de contracter aucun emprunt. Votre pauvreté, malheureux jeune homme. Mais monsieur ! Non mais c'est indigne, c'est abominable. s'écria l'homme d'affaires avec un accent de récrimination courroucé. Avoir le front d'élever un pauvre jeune homme dans une erreur si grossière, le condamner à passer ses plus belles années dans la basoche, le réduire aux habits râpés, aux bas bleus et aux souliers lacés. Mais heureusement, il y a une providence, et cette providence, vous la voyez en moi, mon jeune ami. Elle vous apparaît sous les traits du commandant rue de la Mirandière. Monsieur, je vous déclare que tout ceci me fatigue, à la fin. Rompons cet entretien, ou bien expliquez-vous clairement. Soit. Vous croyez votre père presque dans l'indigence, n'est-ce pas? Je n'en rougis pas, monsieur. Oh, candide jeune homme. Que signifie? Écoutez-moi, et vous me bénirez après comme votre sauveur. Ce disant, monsieur de la Mirandière ouvrit un registre où il lut ce qui suit. Note des biens mobiliers de monsieur Timoléon Bénédicte Alexandre Pamphile Richard. Information prise par le comité du crédit à la Banque de France le 1er mai 1800 et quelques. Premièrement, 3920 actions de la Banque de France, réalisables au cours actuel, si 924 500 francs. Deuxièmement, obligations du Mont-de-Piété, 875 250 francs. Troisièmement, dépôt en espèces à la Banque de France, 259 130. Total, 2 058 680. Vous entendez, mon jeune et candide ami, la fortune mobilière seulement connue de votre cher et honorable père se montait au premier de ce mois à la bagatelle de 2 058 680 francs, d'après des informations officielles. Mais tout fait présumer que, selon le goût passionné des avares, qui en outre de bons placements se plaisent à voir, à flairer, à toucher, à manier une partie de leur trésor, tout fait présumer, dis-je, que votre digne père a enfoui dans quelque cachette un magot quelconque et non moins succulent que sa fortune connue. Mais en admettant que cela ne soit pas, en mettant la chose au pire, vous voyez que l'auteur de vos jours possède au soleil plus de 2 millions. Or, comme il ne dépense pas 1 200 francs par an avec un revenu de près de 100 000 livres de rente, vous voyez de quelle fortune vous jouirez un jour, mon jeune ami, et vous ne vous étonnerez plus des offres que je vous fais. » Cette révélation pétrifiait Louis Richard. 1000 pensées se heurtaient dans son esprit. Il ne pouvait prononcer une parole et regardait l'homme d'affaires avec un saisissement inexprimable. « Vous voilà tout ébahi, mon jeune ami. C'est tout simple, vous croyez rêver. En effet, monsieur, je ne sais si je dois, si je puis y croire. Faites comme saint Thomas, mon jeune ami. Touchez ces 25 billets de 1 000 francs, ça vous donnera la foi, car les capitalistes qui sont derrière moi ne sont pas des gaillards à risquer leur argent. Et ici, je dois vous dire qu'ils vous font ces avances à 8%, en y ajoutant une commission de 7% pour mes obligeants services. Vous allez être trop gentilhomme pour chicaner sur ces misères. Intérêts et capital s'élèveront à peine chaque année à la moitié du revenu de monsieur votre père. Vous économiserez donc, à bien dire, tout en vivant largement, 50 000 francs par an. Il est impossible de vous montrer plus économe, mais du moins vous pourrez attendre patiemment l'heure suprême, où le bonhomme, vous entendez. Du reste, j'ai pensé à tout. Et comme le dit bonhomme pourrait s'étonner de vous voir mener un certain train, sans ressources connues, j'ai imaginé quelque chose de très ingénieux, le semblant de la mise en loterie d'un superbe diamant de 500 louis, 1 000 billets à 10 francs. Vous aurez pris un de ces billets. La loterie sera censée se tirer après-demain. Vous serez censé avoir gagné et vendu le diamant pour 8 ou 9 000 francs. Cette somme, vous direz l'avoir confiée, pour la faire valoir, à un ami. Il ne manquera pas de la placer dans une magnifique entreprise rapportant 300% par an, et grâce à ce stratagème, vous pourrez dépenser à la barbe paternelle vos 25 ou 30 000 francs par an. Maintenant, jeune homme, dites-moi si j'étais fat en prenant des airs de providence à votre endroit. Mais qu'avez-vous? Cette figure embrunie, cet air soucieux, ce silence. Moi qui m'attendais, la première surprise passée, à vous voir éclater en transport de joie, en éclat de rire, en cabriole, et autres manifestations bien pardonnables, quand, en un quart d'heure, on passe du grade de clerc de notaire à celui de millionnaire. Jeune homme, répondez-moi donc. Ah ça, pourvu que l'étonnement, le bonheur ne l'ait pas rendu fou. En effet, cette révélation, qui eût jeté sans doute tout autre que Louis Richard dans une sorte de joyeux délire, lui causait de pénibles ressentiments. D'abord, la longue dissimulation et la méfiance de son père à son égard, en lui laissant ignorer tant de richesses, blessaient son cœur. Puis, et c'était là pour lui le coup le plus douloureux, sa seconde pensée, en songeant à la fortune dont il jouirait un jour, avait été de se dire qu'il aurait pu la partager avec Mariette, sans son cruel abandon, et changer en une vie de bonheur et de luxe la vie jusqu'alors si misérable, si résignée de la jeune fille. Cette réflexion, en ravivant ses amers chagrins, le domina tellement que, ne pensant plus qu'aux explications qu'il était venu demander au commandant de la Mirandière, il lui dit soudain, d'un air sombre et contraint, en lui montrant sa carte de visite, « Vous avez, monsieur, laissé hier chez moi cette carte de visite. »« Oui, mon jeune ami, mais... »« Pourriez-vous me dire, monsieur, » ajouta Louis d'une voix altérée, « comment il se fait que le nom et l'adresse de Mademoiselle Mariette Moreau se trouvent écrits au crayon sur cette carte ?»« Vous dites ?» demanda l'homme d'affaires, stupéfait de cette question dans un pareil moment. « Vous me demandez ?»« Je vous demande, monsieur, comment il se fait que l'adresse de Mademoiselle Mariette Moreau se trouve sur cette carte ?» Ah ça, mais décidément mon client perd la tête, dit l'usurier. Comment, mon jeune ami, je vous parle des millions paternels, de 30 000 francs à dépenser par an, et vous me répondez, grisette. Quand je fais une question, monsieur, s'écria Louis, j'entends qu'on y réponde. Diable, mon jeune ami, vous le prenez avec moi sur ce ton. Ce ton est le mien, monsieur, tant pis s'il vous choque. Morbleu, monsieur, s'écria l'usurier en redressant ses moustaches. Puis il ajouta, bon. J'ai fait mes preuves. Ancien militaire criblé de blessures, je puis laisser passer beaucoup de choses. Je vous répondrai, mon cher client, que le nom et l'adresse de cette petite fille se trouvent sur ma carte parce que je les ai y écrits pour ne pas les oublier. Ainsi, vous connaissez Mademoiselle Mariette ? Parbleu. Vous lui faites la cour ? Un peu. Et vous espérez ? Beaucoup. Et moi, monsieur, je vous défends de remettre les pieds chez elle. Tiens. Se dit l'usurier, un ribal, c'est drôle. Ah, je comprends maintenant les refus de la petite. Enfonçons, mon client. Ce jeune, c'est novice, c'est clerc de notaire, ça doit être jaloux. Il donnera dans le panneau et je l'évincerai, car je tiens à cette petite. Si le jeune homme ne donne pas dans le dit panneau, il n'en sera pour moi, ni plus ni moins. Et il ajouta tout haut. Mon cher monsieur, quand on me défend quelque chose, je regarde comme mon premier devoir de faire ce que l'on me défend. Nous verrons, monsieur. Écoutez, jeune homme, j'ai eu 57 duels. Je peux donc me dispenser d'avoir le 58e avec vous. Je préfère vous parler le langage de la raison. Permettez-moi une simple question. Vous êtes arrivé de voyage hier, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Vous êtes resté plusieurs jours absent, et vous n'avez pas revu Mariette depuis votre retour. « Non, monsieur, mais... »« Eh bien, mon jeune ami, il vous est arrivé ce qui arrive à tant d'autres. Mariette ne vous connaissait pas comme fils de millionnaire. Je me suis présenté pendant votre absence. J'ai offert à cette petite fille ce qui ne peut jamais manquer de tourner la tête d'une grisette affamée. Sa marraine, qui, comme elle, meurt de faim, a flairé le bien-être, et ma foi, comme les absents ont toujours tort, hé hé, vous comprenez. »« Mon Dieu, » dit Louis, dont le courroux faisait place à un morne désespoir. « Il est donc vrai. Si j'avais su me trouver en concurrence avec un futur client, je me serais abstenu, mais il est trop tard. Et d'ailleurs, pour une de perdue, 1000 de retrouvée. Allons, mon jeune ami, pas d'attachement. Cette petite était pour vous trop jeunette. C'était une éducation à faire, et vous trouverez de charmantes femmes tout élevées et très bien élevées. Je vous recommanderais particulièrement une certaine madame de Saint-Hildebrand. « Misérable !» s'écria Louis Richard, prenant l'homme d'affaires au collet. « Infâme !»« Monsieur !» s'écria le commandant de la Mirandière, « vous me rendrez raison !» À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement, et un grand éclat de rire qui retentit, les deux adversaires tournèrent simultanément la tête. « Saint-Hérem !» s'écria Louis, en reconnaissant son ami d'enfance. « Toi, ici ?» dit à son tour Florestan de Saint-Hérem, en courant devant du jeune homme encore pâle de colère, pendant que l'usurier rajustait le collet de sa robe de chambre en murmurant « Au diable, le Saint-Hérem en un pareil moment !»